Chapitre 6 Florentin et Florentine. Il passait devant une de ces petites et jolies maisons de campagne, comme il s'en rencontre tant aux environs de Paris. Une petite fille, accompagnée d'une servante, en sortait. Mes amis s'arrêtèrent pour admirer sa gracieuse tournure et le joli visage qu'à la lueur d'une lanterne elle montrait sous une capeline en soie bleue. Ô ciel, fit cette jolie demoiselle avec une petite voix maniérée, que font là ces enfants? « Les connaissez-vous, Marie ?»« Voyons, dit la fille en leur mettant la lanterne sous le nez. « Oh, pour ça, non, mademoiselle, ils ne sont pas du village. »« Ne les éclairez plus, Marie, ils ont de trop vilaines physionomies. On dirait de petits brigands. Le fait est qu'ils sont loin d'inspirer de la confiance. Je sais bien qui ne leur donnerait pas sa bourse à garder, moi. »« Que font-ils par ici ?»« Pardine, ça cherche à voler. »« Vous croyez, Marie ?»« Ah bien, si je le crois. Mais j'en suis sûr, mademoiselle. » Et il n'est pas déjà si rassurant de les voir rôder comme cela autour de la maison. Renvoyez-les au plus vite alors. C'est ce que je vais faire. Puis, s'adressant aux enfants qui n'avaient pas l'air d'entendre, « Allons, allons, portez vos méditations ailleurs, vous autres. » Ils ne vous comprennent point. C'est possible. Alors je vais leur parler un meilleur français. « Ça !» cria-t-elle, « on vous prie de déguerpir. Si vous ne le faites pas tout de suite, vous aurez affaire à moi. » « Nous ne vous gênons pas, » dit Aimé, qui, plus décidé que César, prenait la parole dans les occasions critiques. « Voyez, mademoiselle, comme ils ne comprennent point. Et ça ose répondre. On ne saurait croire jusqu'où peut aller l'audace de ces petits misérables. On ne ferait que son devoir en les souffletant. Assez, Marie, assez, ne les frappez point. Donnez-leur quelque argent, et ils s'éloigneront peut-être. Il faut en finir, je ne puis passer ma soirée ici. » La servante jeta 10 centimes au visage de César, et disparut avec son impertinente maîtresse. Quant à mes amis, sans essayer de chercher les 10 centimes qu'il eût du reste été impossible de trouver, tant la nuit était devenue épaisse, ils continuèrent à marcher dans la rue, plongeant dans les maisons dont les volets étaient encore ouverts, des regards profondément découragés. Ils se demandaient si aucune de ces demeures ne voudrait s'ouvrir pour les recevoir, et s'ils étaient condamnés à passer la nuit dehors. Il fallait cependant bien peu de choses pour amener la sécurité dans leur pauvre cœur et en chasser toutes les appréhensions et toutes les angoisses que la peur y avait fait naître. Le coin le plus obscur d'une de ces grandes cuisines, où l'on voyait des chats et des chiens se prélasser aux meilleures places, se chauffer le ventre et le museau à la flamme joyeuse et turbulente du foyer, en compagnie de vieillards et d'enfants qui jouaient et devisaient entre eux. Tout doucement, César et Aimé se faufilèrent le long des maisons, pour mieux voir ce qui s'y passait. C'était indiscret, mais il n'en savait rien. Et d'ailleurs, tout cela était si nouveau, et tous ces logis si différents de celui de Joseph. Une fenêtre plus vivement éclairée que les autres captiva bientôt exclusivement leur attention. Par cette fenêtre, on pouvait explorer dans tous les recoins une de ces grandes salles, qui, dans les maisons de paysans, tiennent lieu tout à la fois de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher. Une femme jeune encore, les manches et la jupe retroussées, tenait un poêlon sur le feu, pendant qu'un petit garçon et une petite fille, du même âge à peu près que mes amis, promenaient à tour de rôle, en le dodelinant sur leurs bras, un gros marmot de 7 à 8 mois, qu'on avait déjà habillé pour la nuit. Quand ce bébé manifestait quelque impatience, le frère et la sœur lui faisaient toutes sortes de mines, lui chantaient une belle chanson, ou bien lui disaient de ces riens qui n'ont aucun sens, mais qui font tant rire les bébés de cet âge. César et Aimé, ayant compris tout de suite que c'étaient là de braves enfants, prenaient un plaisir extraordinaire à les voir se promener de long en large dans la chambre. Mais à plusieurs reprises, leur regard se croisa avec celui de la maman, laquelle, ne devinant pas ce que c'était, dit à ses enfants « Voyez donc un peu ce qui fait de l'ombre à la fenêtre. » Mes amis qui avaient entendu s'éloignèrent de quelques pas. « Rien, maman, il n'y a rien, » répondirent les petits villageois, après avoir jeté un coup d'œil dans la rue. Un peu après, elle prit le bébé pour le faire souper et dit encore « Pour sûr, il y a quelqu'un à la fenêtre. Allez dehors, vous pousserez les volets. » César et Aimé songèrent à fuir, mais je ne sais quoi les tenait cloués là, près de cette maison. Quant aux petits villageois, ils entr'ouvrirent la porte avec précaution et aussitôt la refermèrent vivement. « Quoi donc ? » fit la mère. « Maman, » répondirent-ils d'une voix étouffée, « il y a un homme. Bon, faut-il avoir peur pour cela ? C'est sans doute votre père. Ouvrez-lui. » Il fallut bien s'exécuter. Cette fois, ils sortirent tout à fait, mais rentrant presque aussitôt. « Maman, ma chère maman, » s'écrièrent-ils, « venez donc voir, c'est un petit garçon et une petite fille. » La maman sortit. « C'est ma foi vraie, » fit-elle, comme en se parlant à elle-même. « Et à cette heure, comment cela se fait-il ? Ils me font l'effet de petits poussins qui se seraient perdus dans l'herbe en courant après les insectes et n'auraient pas pu retrouver le nid de leur mère. « Ah, ça petit, » leur dit-elle, « approchez donc un peu qu'on vous voit. » César et Aimé, suivis de Balthazar, vinrent se placer dans la clarté que le feu envoyait jusque dans la rue par la porte toute grande ouverte. Ils ne brillaient point, je vous assure, dans cette lumière à la Rembrandt. « Dieu du ciel, comme ils sont faits !» s'écria la jeune femme, en découvrant de quelle misérable façon ils étaient vêtus. « Et dire que ce sont là deux petites créatures du bon Dieu. Allons, entrez tout de même, on verra. » Nos amis, comme vous pensez bien, ne se firent point prier. La villageoise leur assigna pour s'asseoir un banc de l'autre côté de la table, où elle-même avait pris place avec le bébé. Quant aux enfants, ils vinrent se poster tous deux en face de César et d'Aimé, et là, les mains derrière le dos, se mirent à examiner mes amis, en silence, et avec cette curiosité naïve et indiscrète, particulière aux enfants, à qui l'éducation n'a pas appris à vivre selon l'usage du monde. Puis, de temps en temps, ils se regardaient en se faisant des signes avec les yeux pour se communiquer leurs impressions. Mes amis, de leur côté, leur rendaient l'appareil, et les examinaient aussi, mais plus timidement, un peu en dessous, il faut bien le dire, ce qui ne les empêchait point de voir combien tous deux étaient gentils, la petite fille surtout. Elle avait de bonnes joues rondes et fermes que le grand air avait légèrement brunies, et une forêt de cheveux blonds qui s'échappaient de son petit bonnet. Tout autour de la tête, par centaines de boucles, rangées les unes de ci, les autres de là, au caprice du vent, sans ordre et sans art. Oui, certes, elle était gentille, et vous n'auriez pas dit le contraire si, comme César et Aimé, vous aviez pu admirer sa petite bouche, qui souriait avec tant de finesse et de naïveté, et ses grands yeux si expressifs qu'on eût dit qu'il parlait, et son nez en l'air, et le petit bout de ses jolies oreilles, où étaient accrochés de beaux pendants d'or en forme de poire. Puis sa belle robe de tartanelle, puis son beau tablier de mérinos, puis son joli bonnet des dimanches. Après cela, peut-être que vous n'aimez que les petites demoiselles qui ont le teint trop pâle, les traits trop délicats et la taille trop effilée. Je ne veux point nier qu'elle soit intéressante et n'ai point la prétention de contester la légitimité de votre goût. Mais enfin, vous conviendrez qu'il y a des beautés de plusieurs sortes, et que les enfants, dont la santé est robuste, la mine appétissante et l'humeur aimable, ne sont pas à dédaigner. « Voyons, » dit la maman lorsque le bébé fut couché, « vous allez me dire qui vous êtes et pourquoi nous vous avons trouvé à par ailleurs dans la grande rue de notre village. » César raconta tant bien que mal comment ils avaient quitté Paris. « Dieu du ciel !» s'écria la jeune femme, que la brutalité de Joseph faisait frémir. « Est-il possible que la terre nourrisse des monstres comme cela ?» Elle résolut de garder chez elle jusqu'au lendemain ses pauvres abandonnés, et se mit sur le champ à préparer le repas du soir, car elle voyait bien qu'ils étaient exténués et ne pourraient sans souffrir rester plus longtemps sans prendre de nourriture. Alors entra un homme âgé de 35 ans à peu près. Il était grand et bien pris dans ses membres, qu'il portait cependant avec une certaine lourdeur, comme les individus que les rudes travaux des champs ont de bonne heure courbés sur la terre. Le petit garçon et la petite fille coururent à sa rencontre. Il les embrassa avec effusion. César comprit qu'il était le maître du logis. C'était un bon père et un honnête homme. On le voyait bien. Et malgré la pesanteur de sa démarche, on lisait dans son maintien, comme sur son visage, la dignité naturelle des gens qui n'ont de compte à rendre et de grâce à demander qu'à Dieu. Il s'en alla jeter un coup d'œil sur le bébé qui dormait paisiblement dans un petit berceau rustique. Puis il offrit à sa femme de l'aider dans ses occupations de ménagère. « Voici, lui dit-elle en montrant César et Aimé, deux enfants que j'ai recueillis dans la rue. Vont-ils se mettre à table avec nous pour souper ?»« Pourquoi pas ?» répondit simplement le jeune homme, qui était laconique dans tout ce qu'il disait, et semblait avare de ses paroles, comme les individus habitués à vivre et à travailler dans la solitude. Le dîner était frugal. Une soupe au lait et des œufs, mais mes amis n'avaient peut-être jamais fait un repas si délicat, et tout bas ils se disaient que c'était là pour sûr un festin de roi. Quant à Balthazar, promptement familiarisé avec les habitudes de la maison, côte à côte avec le chat du logis, il mangeait proprement la part qu'il s'était adjugée d'un copieux reste de potage. Après le dîner, les petits villageois, qu'on appelait Florentin et Florentine, se mirent à genoux pour faire leur prière du soir. César et Aimé les imitèrent d'instinct, sans trop savoir ce qu'il faisait, et, joignant les mains, tant bien que mal, répétait à voix basse les paroles que les autres prononçaient tout haut, mais ils n'en comprenaient point le sens. La jeune femme qui les regardait devina aisément qu'ils ne savaient point leur prière. Alors elle résolut de leur montrer au moins à faire le signe de la croix. « Quand on ne sait pas prier, leur recommanda-t-elle, on dit tout simplement « Mon Dieu, ayez pitié de moi ». Et quand on veut prier pour d'autres, demanda Aimé, doit-on lui dire la même chose au bon Dieu? Pour qui donc veux-tu prier? César dit comment une jeune et belle dame lui avait donné une pièce d'or à la grille des Tuileries. Et cette dame s'appelle? Je l'ignore, répondit César. C'est que nous-mêmes nous connaissons à Paris un enfant qui est très malade en ce moment. Un beau petit garçon que j'ai nourri il y a 7 ans, en même temps que Florentine. Sa mère, Madame de Sennecey, qui est la sœur de Monsieur Le Bègue, ici s'interrompant tout à coup. « Le connaissez-vous, monsieur Lebègue ?» demanda la jeune femme, qui croyait naïvement que les notabilités de son village étaient connues du monde entier. « Non, dit Aimé. » « Un riche propriétaire de ce pays-ci, c'est à lui qu'appartient le beau domaine des Granges, vous savez sans doute, là sur la gauche, à une lieue d'Orly. Il est fâcheux que vous ne connaissiez pas monsieur Lebègue, car c'est un digne homme et il aurait pu vous être utile. Madame de Sennecey, je vous disais donc, doit conduire mon petit Abel cette semaine à Fontainebleau, où je me rendrai presque aussitôt pour le soigner. Elle est si bonne et si charitable que j'ai pensé tout d'abord que c'était elle qui vous avait donné la pièce de 20 francs. Puis, s'adressant à son mari, « Dis donc, Étienne, si c'était Madame de Sennecey, » demanda-t-elle. « Cela n'est pas impossible, » répondit Étienne. « Quoi qu'il en soit, » recommanda la villageoise, « à mes amis, n'oubliez pas de prier Dieu pour la dame au louis d'or. » Avec un matelas qu'on posa dans un coin de la chambre, sur de la paille fraîche, et des draps propres, on fit un lit pour César et Aimé, lesquels ne demandaient pas mieux, après une telle journée, que de se reposer et dormir. Mais ils étaient trop fatigués. Ils ressentaient une sorte de fièvre qui les tint éveillés assez longtemps, pour qu'ils eussent le loisir de se communiquer leurs impressions. « Vois donc, Aimé, disait César, combien il est bon d'être couché dans une belle chambre comme celle-ci, où l'on a des parents qui dorment à côté de vous. Pour moi, quand je regarde ce lit et ce berceau dans l'alcôve, puis la table avec ses deux bancs, l'armoire à l'autre bout de la pièce, le buffet orné d'assiettes à fleurs, le seau plein d'eau posé sur une escarbelle près de la fenêtre, et le feu non encore éteint, éclairant vaguement tout cela lorsque tout le monde est endormi, il me semble avoir vu ces choses ailleurs qu'ici. Et si je devais continuer à demeurer dans cette maison, je croirais volontiers que le temps que nous avons passé chez mon oncle Joseph n'a été qu'un abominable rêve. Le lendemain, il faisait grand jour. Et le soleil était levé depuis longtemps lorsque mes amis se réveillèrent. La première chose qu'ils aperçurent en ouvrant les yeux fut des vêtements neufs étalés sur le pied de leur lit. Quand je dis neufs, je me trompe. Ils étaient vieux et usés, beaucoup usés même, mais rapiécés aussi, et de plus propres à donner envie de se les mettre sur les épaules. Ils sentaient bon, et quoique la couleur en fût singulièrement effacée par endroits, César et Aimé les trouvaient si beaux qu'ils ne se rassasiaient point de les regarder. Pour eux, véritablement, ils étaient neufs. Je ne vous dirai point avec quelle joie ils s'habillèrent. Ces choses-là ne sauraient se dépeindre. Non moins heureux, Florentin et Florentine les aidaient. On se mettait à trois pour attacher une agrafe ou faire entrer un bouton. Et cela n'allait pas encore très bien parce que, de part et d'autre, on était trop ému. Étienne regardait d'un air songeur. « Si l'on était riche, dit-il tout à coup, et comme en se parlant à lui-même, envoyait ses enfants à l'école, et leur donner ensuite un bon état pour qu'ils devinssent d'honnêtes ouvriers, ce serait une bonne action à faire. Que vont-ils devenir à présent ? Nous voulons gagner notre vie, dit César. Je souhaite que vous rencontriez d'honnêtes gens assez riches pour vous prendre sous leur protection. Mais enfin, cela ne peut pas se trouver tout de suite, et en attendant, il faudra vivre. Quoi qu'il arrive, César, n'oublie pas qu'il est moins honteux de demander un morceau de pain que de le prendre. Pour ça, dit César en rougissant, nous n'avons jamais rien pris à personne. C'est bien. Mais il faut se méfier de la misère. On dit parmi nous que celui qui prend le grain prendra aussi la farine. Cela signifie qu'un voleur ne redevient jamais honnête homme. Ce que j'en dis n'est pas pour vous affliger, mais pour vous mettre en garde contre les mauvaises pensées et les mauvais conseils, car on se laisse aisément tenter lorsqu'on est malheureux. Écoute, Étienne, dit en s'approchant la femme, qui jusqu'alors avait gardé le silence, tout cela est très bien, mais je pense, moi, que nous ne pouvons pas laisser partir ces enfants comme cela. Que veux-tu faire ? Par moi-même, rien. Je sais que nous ne pouvons pas leur assurer un sort meilleur. Mais il y a Madame de Sennecey. Je l'ai vue bien souvent s'intéresser à des enfants qu'elle connaissait à peine. Qui sait si elle ne considérait point à faire quelque chose pour ceux-ci ? Si elle pouvait les retirer pour toujours à ce Joseph et les placer les mettre à l'école ? Il faudrait voir. On ne peut aller la tourmenter maintenant. Abel est encore trop malade. Mais je la verrai à Fontainebleau. Et en attendant... Nous garderons ces enfants avec nous. Non, cela ne se peut pas, il est possible que madame de Sénessey refuse de s'occuper d'eux. Qu'en ferais-tu alors? Nous aviserons. Ta bonté t'égare. Écoute, je réponds de madame de Sénessey. N'importe, nous ne pouvons les garder, si nous n'avions pas d'enfants à la bonne heure. Crois-tu donc qu'ils gâtent les nôtres? Ils ont l'air si honnêtes. C'est vrai, mais nous ne les connaissons pas. Ils n'ont qu'une chose à faire, retourner avec leur tuteur. Je voudrais les y reconduire moi-même. Je verrai ce que c'est au juste. Eh bien, fais-le. Malheureusement, c'est impossible. Je laboure les terres d'un voisin. C'est un marché, je dois avoir fini dans 3 jours. Pendant que le mari et la femme s'occupaient ainsi de César et d'Aimée, ceux-ci achevaient leur toilette. « Viens ici, César, » dit Étienne. L'enfant s'approcha. « Pour ce qui se passe, mon garçon, ma femme ne veut pas que vous alliez comme ça courir les grands chemins, où il ne saurait vous arriver rien de bon. Elle connaît une dame, madame de Sénessey, qu'elle veut intéresser à votre sort. Mais pour ça, il faut que vous retourniez chez votre tuteur. « Joseph, qu'est-ce qu'il va dire ?» s'écria César effrayé. « Rien si tu lui portes de l'argent. Voici 2 francs. Tu lui remettras cela comme si c'était le produit de ta journée. D'ailleurs, peu lui importe où tu l'as gagné. Ma femme verra madame de Sénessey la semaine prochaine. Moi, j'irai jeudi voir comment ça va chez vous. Nous ne vous laisserons pas longtemps avec votre tuteur. Il ne s'agit que de 2 semaines au plus. Si on s'occupe de vous, il faut que de votre côté, vous fassiez quelques sacrifices. Allons, mes enfants, promettez-moi de retourner chez Joseph. Nous ferons ce que vous voudrez, dit César. C'est bien, voilà les 2 francs, à jeudi. Sur ce, on se sépara.